De ce que dans ces mois, ça n'ont plus la paix. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. On ne fera pas de toi ce que tu n'es pas.